Chapitre 68 Les mûriers et les magnaneries du Dauphiné. Que de richesses dues à un simple petit insecte ! Le ver à soie occupe et fait vivre des provinces entières de la France. Pour achever de distraire Julien de ses pensées tristes, André lui fit remarquer le pays qu'il parcourait. Il faisait un beau soleil d'automne, et les oiseaux chantaient, encore comme au printemps, dans les arbres du chemin. « Ne remarques-tu pas comme il fait chaud ?» dit André. « Le soleil a bien plus de force dans ce pays-ci. C'est que depuis Valence, nous approchons du midi. Vois, il y a encore des buissons de roses dans les jardins. » L'enfant, jusqu'alors plongé dans ses réflexions, avait marché sans rien observer de ce qui l'entourait. Il leva les yeux sur la route, et il remarqua à son tour que presque tous les arbres plantés dans la campagne avaient leurs feuilles arrachées, sauf un ou deux. Sur ceux-ci, des jeunes gens étaient montés, qui cueillaient une à une les feuilles vertes et les déposaient précieusement dans un grand sac. Ils le refermaient ensuite et le remportaient sur leur épaule. « Tiens, dit l'enfant, l'étrange chose, pourquoi donc cueille-t-on les feuilles de ces beaux arbres? Serait-ce pour donner à manger aux vaches? Mais non, Julien, réfléchis, tu vas trouver ce que l'on veut faire quand tu sauras que ce sont là des mûriers. » « Des mûriers, reprit Julien. Oh, mais oui, je sais à présent, on nourrit les vers à soie avec les feuilles de mûrier. » « Justement, dit André, c'est dans la vallée du Rhône, dans le Dauphiné et dans le Languedoc, qu'on élève les vers, pour tisser plus tard leur soie à Lyon et à Saint-Étienne. Comme nous suivrons le Rhône à travers le Dauphiné et la Provence jusqu'à Marseille, nous verrons dans la campagne des mûriers presque tout le temps. Et ce sont les vers à soie qui mangent ces sacs de feuilles, mon Dieu. Faut-il qu'il y en ait de ces vers ? Il s'est trouvé des années, m'a dit M. Gertal, où l'on a récolté dans la vallée du Rhône jusqu'à 28 millions de kilogrammes de cocons de soie. Et un cocon qui est le travail d'un seul ver pèse si peu qu'il avait fallu pour produire tous ces cocons plus de 20 milliards de vers à soie. Qu'est-ce qui élève tout cela, sais-tu, André ? Ce sont ordinairement les femmes et les filles des cultivateurs. Les chambres où l'on élève les vers à soie s'appellent des magnaneries, parce que dans le patois provençal, on appelle les vers à soie des magnans. Il paraît que dans ces contrées, chaque ferme, chaque maison a sa magnanerie, petite ou grande. Les vers sont là par centaines et par milliers, se nourrissant avec les feuilles qu'on leur apporte. André, nous verrons peut-être des magnaneries là où nous coucherons. C'est bien probable, répondit André. Quand le soir fut venu, les enfants demandèrent à coucher dans une sorte de petite auberge, moitié ferme et moitié hôtellerie, comme ils s'en rencontrent dans les villages. Ils firent le prix à l'avance et s'assirent ensuite auprès de la cheminée pendant que la soupe cuisait. Julien regardait de tous les côtés, espérant à chaque porte qui s'ouvrait entrevoir dans le lointain la chambre des vers à soie, mais ce fut en vain. L'hôtelière était une bonne vieille, qui paraissait si avenante qu'André, pour faire plaisir à Julien, se hasarda à l'interroger. Mais elle ne comprenait que quelques phrases françaises, car elle parlait à l'ordinaire, comme beaucoup de vieilles gens du lieu, le patois du midi. André et Julien, qui s'étaient levés poliment, se rassirent tout désappointés. Les gens qui entraient parlaient tous patois entre eux. Les deux enfants, assis à l'écart, et ne comprenant pas un mot à ce qui se disait, se sentaient bien isolés dans cette ferme étrangère. Le petit Julien finit par quitter sa chaise, et s'approchant d'André, vint se planter debout entre les jambes de son frère. Il s'assit à moitié sur ses genoux, et le regardant d'un air d'affection un peu triste, il lui dit tout bas « Pourquoi donc tous les gens de ce pays-ci ne parlent-ils pas le français ?»« C'est que tous n'ont pas pu aller à l'école, mais dans un certain nombre d'années, il n'en sera plus ainsi, et par toute la France, on saura parler la langue de la patrie. » À ce moment, la porte d'en face s'ouvrit de nouveau. C'étaient les enfants de l'hôtelière qui revenaient de l'école. « André, s'écria Julien, ces enfants doivent savoir le français, puisqu'ils vont à l'école. Quel bonheur! Nous pourrons causer ensemble. » Ver à soie sur une feuille de mûrier. Le ver à soie a environ 0,06 m de long. Il est blanc avec une petite tête. Le mûrier blanc, dont il se nourrit, est originaire de la Chine. On a pu l'acclimater dans le midi de la France, et même dans certains points du centre, comme la Touraine. Cet arbre s'élève à 8 et 10 mètres dans nos climats et jusqu'à 20 mètres dans les climats chauds. Une magnanerie dans le Dauphiné. Les magnaneries sont des chambres dans lesquelles on a installé, les unes au-dessus des autres, des claies de roseaux. Les œufs des vers à soie sont placés sur ces claies. Et pour qu'ils puissent éclore, on chauffe les chambres. Souvent, les magnaneries sont mal tenues et trop petites pour le nombre de vers qu'on y entasse, ce qui a amené, dans les dernières années, une dégénérescence des vers à soie.